Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 18. Histoire de la robotique. Expérimentation scientifique. Les robots constituent une plateforme d'expérimentation scientifique, non seulement pour permettre de créer des robots plus performants, mais également pour étudier et tenter de comprendre les notions d'intelligence, d'autonomie, d'interaction, d'adaptabilité et de coopération. Là non plus, il n'est pas possible de citer toutes les recherches, mais quelques exemples actuels devraient nous permettre d'imaginer aisément le degré d'autonomie ou de complexité des robots utilitaires de demain. Par exemple, des ingénieurs japonais viennent de mettre au point un robot skieur capable de sauter d'un tremplin et tourner en vrille comme un skieur acrobatique. OMI, l'équipe du professeur Rodney Brough a créé Co, un robot humanoïde, cependant dépourvu de jambes, servant de plateforme de test pour étudier des théories des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. L'objectif est de créer un robot capable d'interagir avec le monde, y compris avec les objets et les gens, d'une manière semblable aux humains. Il s'agit, là aussi, d'étudier l'intelligence humaine en essayant de la réaliser. La firme Honda a également produit un robot humanoïde nommé Asimo, disponible au Japon en location pour expérimentation ou événements spectacles. Ce robot est particulièrement impressionnant par sa gestion d'équilibre en marchant sur deux jambes articulées ainsi que pour sa capacité à monter et descendre des escaliers. De très nombreux robots mobiles non humanoïdes sont disponibles sur le marché des plateformes d'expérimentation, utilisés pour mettre au point des programmes de contrôle et d'apprentissage de plus en plus complexes. Fin de cette 18e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.